embrasses d'autres garçons. Tu embrasses d'autres garçons. Tu embrasses d'autres garçons. Mais moi, tu ne m'embrasses jamais. Tu embrasses tous les garçons. Tu embrasses tous les garçons. Tu embrasses tous les garçons. Mais moi, tu ne m'embrasses jamais. Tu enlaces d'autres garçons. Tu enlaces d'autres garçons. Tu enlaces d'autres garçons. Mais moi, tu ne m'enlaces jamais.